Je suis l'amant du soleil et de la musique. Je vous laisse tout l'or des oncles d'Amérique pour tenir dans mes doigts un morceau de soleil pour que la voix d'une sirène me réveille. J'appartiens à la famille des tournesols. On peut ouvrir ma porte avec la clé de sol. Chaque été qui revient me comble et m'émerveille. Je suis l'amant de la musique et du soleil. Je suis le compagnon de musique et d'amour, amoureux de la nuit qui renaît chaque jour. Et si je n'avais pas à la main ma guitare, on finirait par me prendre pour un lézard. Je viens de n'importe où, je vais au bout du monde. Je poursuis le soleil, j'accompagne sa roue. Du nouveau continent à la terre d'Afrique, je sème ça et là des notes de musique. Ces mots que je viens te chanter à l'oreille puissent t'apporter la musique du soleil. Du Thank you.